début était le Big Bang, puis vint l'inflation, la formation des protons, la nucléosynthèse primordiale, la recombinaison des électrons aux noyaux atomiques, la diffusion de la lumière, puis l'expansion jusqu'à aujourd'hui 13,77 milliards d'années plus tard. Ce modèle-là, théorique, faut-il le rappeler, celui du Big Bang est relativement stable. Mais après, que se passe-t-il ensuite ? L'univers va continuer à s'étendre, les modèles à quelques centaines de millions, voire quelques milliards d'années sont à peu près solides, mais plus loin, beaucoup plus loin, que se passera-t-il dans des milliards de milliards d'années ? Est-ce que l'univers a une fin ? Et si oui, quelle est-elle ? Fin de l'univers et après, c'est le programme spéculatif qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour tirer des perspectives vers la fin absolue du monde, comme l'appelait John Carpenter, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Jean-Marc Bonnet-Bidot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes astrophysicien au CEA, spécialiste en astrophysique des hautes énergies, et François Hammer. Bonjour. Bonjour. Vous êtes astronome et instrumentaliste à l'Observatoire de Paris. Mais avant de parler de la fin de tout, on remonte à l'origine de l'actualité scientifique du jour avec Natacha Trioux pour le Journal des Sciences. Bonjour Natacha. Bonjour Nicolas. Et on commence ce journal non pas avec une, mais avec six études parues dans différentes éditions de Nature, Nature Geoscience et Nature Communications. Ce sont les premiers résultats de la sonde InSight sur Mars qui viennent d'être publiés. Et c'est une importante mission spatiale internationale, essentiellement française. En novembre 2018, la sonde InSight avait atterri sur Mars avec pour objectif de cartographier le sous-sol martien. Le 7 avril dernier, grâce aux enregistrements du sismomètre SEIS, nous avions pu écouter les premier tremblement de Mars de très faible magnitude. Alors, ces six articles ouvrent un volet important en planétologie avec une foule de découvertes. On apprend que l'activité sismique sur cette planète se situe entre l'activité de la Lune et celle de la Terre. Jusqu'à ce jour, SEIS a enregistré près de 400 vibrations, dont une vingtaine de séismes de magnitude comprise entre 3 et 4. Chloé Michaud est professeure à l'École normale supérieure de Lyon et chercheuse en planétologie. Elle participe à la mission InSight. C'est quand même assez faible par rapport à ce qu'on enregistre sur Terre, hein, mais c'est suffisamment large pour avoir plusieurs types d'ondes, en particulier des ondes P et des ondes S, et qui nous permettent ensuite de reconstituer la structure interne de la planète, en particulier la structure de la croûte. Ce qui est intéressant, justement, on a pu en localiser 2-3, sont localisés dans une zone qu'on appelle Cerberus Fossé et qu'on avait au préalable identifié comme une zone potentiellement active à l'heure actuelle sur Mars. Donc c'est intéressant parce que ça confirme les observations. Ce sont des grandes failles ou peut-être des grabens, donc il y a potentiellement eu de l'activité volcanique magmatique à cet endroit. Les séismes de magnitude 3 et 4, a priori, ce ne serait pas de l'activité magmatique, hein, ça serait des séismes comme sur Terre, dus à la friction entre deux blocs sur une interface. Après, on regarde toujours l'éventualité que des plus petits séismes pourraient être dus à une potentielle activité avec de la circulation de fluide, potentiellement du magma, dans la croûte et la lithosphère martienne. Donc c'est toujours une éventualité à laquelle on s'intéresse, qu'on privilégie pas forcément, mais on l'écarte pas non plus. Alors parmi les autres découvertes, on sait dorénavant que la croûte martienne est plus humide que celle de la Lune. Les couches supérieures semblent contenir des minéraux qui contiennent de l'eau. Donc géologiquement, la croûte martienne ressemble au massif vosgien. Alors grâce au magnétomètre embarqué à bord, on sait aussi que de petites zones ont un champ magnétique extrêmement fort, 10 fois plus fort que celui prévu par les observations satellites. Et autre surprise, sur la surface de la planète, on compte plus de 10 000 tourbillons de poussière, ce qui aura des conséquences pour les futures missions martiennes. Fort de ses succès, la mission InSight a été prolongée et il reste de nombreuses questions à creuser. Véronique Dehan est planétologue à l'Observatoire Royal de Belgique. Elle est aussi signataire de cette étude. On pensait que l'activité sismique serait entre l'activité de la Lune et l'activité de la Terre. Et en fait, on pensait avoir même des grands tremblements de terre sur Mars. Mais pour l'instant, on n'en voit pas. La planète Mars est très différente de la planète Terre parce que on n'a pas de tectonique des plaques. La surface de Mars, en fait, ne bouge pas. Mars est monoplaque, si vous voulez. Ben, les grandes questions, c'est d'essayer de répondre à la question, est-ce que le noyau de Mars est liquide ou pas? Certaines mesures qui ont été faites par des sondes en orbite autour de Mars tentent à montrer que le noyau de Mars, donc l'intérieur profond, serait liquide. Et donc, on voudrait bien avoir la confirmation en utilisant les ondes sismiques. Et donc, mais pour ça, il faudrait des tremblements de Mars un peu plus importants. Mais il se peut que d'ici quelques mois, ben, on en observe. Voilà, évidemment, on suivra la suite de cette actualité liée à la sonde InSight pour tout savoir. Si vous voulez en savoir plus, évidemment, vous pouvez retrouver les liens vers les articles sur notre fil Twitter @laméthodefc et puis également un dossier complet sur la planète Mars et sur toutes les émissions que nous avons pu y consacrer. Tout ça, c'est à retrouver sur franceculture.fr. Et on passe au bref. La mathématicienne afro-américaine Katherine Johnson est décédée hier. La pionnière de la NASA avait 101 ans. Titulaire d'une licence de mathématiques, en 1953, elle rejoint le programme spatial américain dans une Amérique ségrégationniste. Grâce à ses équations fondamentales, elle a joué un rôle clé dans la conquête spatiale américaine. Elle a participé au premier vol habité dans l'espace et au premier pas sur la Lune de la mission Apollo 11. En 2015, un Barack Obama lui remettait la médaille présidentielle de la liberté, la plus haute distinction américaine. En 2016, le film Les figures de l'ombre lui rendait déjà hommage. Et selon l'organisation Alzheimer Europe, le nombre de cas de démence devrait doubler d'ici 2050. Et on peut s'attendre à 11 millions de diagnostics supplémentaires d'ici 2025 et environ 19 millions de cas d'ici 2050. Pourtant, on constate une nette baisse du nombre de démences liées à la maladie d'Alzheimer chez les hommes comme chez les femmes, sauf pour les femmes âgées de 75 et 79 ans. Mais la raison principale de cette augmentation, c'est le vieillissement de la population. Selon ce rapport, des investissements plus importants dans la recherche sur le traitement et la prévention de la démence sont nécessaires. Merci beaucoup Natacha, on vous retrouve demain pour le prochain Journal des Sciences que vous pouvez évidemment podcaster comme chaque jour sur votre application de podcast préférée, mais préférentiellement sur l'application Radio France ou sur franceculture.fr. Si le Big Bang est un modèle qui décrit non pas le début, ce qui serait de facto un abus de langage, compte tenu du fait que le temps n'existait a priori pas, mais disons un modèle qui décrit la formation de l'univers, peut-on envisager un modèle qui en décrirait la fin. Le problème qui est apparemment assez simple si on l'énonce de cette façon-là est de fait beaucoup plus complexe qu'il n'y paraît parce que, disons-le tout de suite, passer quelques centaines de millions d'années à les poussons jusqu'à quelques milliards, nos modèles s'effilochent jusqu'à la trame et il ne nous reste presque plus rien d'autre que de la spéculation. Rappelons donc pour commencer cette émission que, non pas au commencement mais à l'origine de l'univers, le Big Bang reste lui aussi un modèle spéculatif comme le rappelle notre archive du jour. C'est un extrait de l'Heure de la culture française. Nous sommes en septembre 1948. C'est cette théorie passablement bouleversante de l'univers en expansion qui a conduit l'abbé Lemaître à son hypothèse de l'atome primitif. Deux grands principes gouvernent l'énergie. Le premier est celui de sa conservation, le second celui de sa dégradation. Selon le premier principe, l'énergie totale se conserve, selon le second, l'énergie se brise, se pulvérise de plus en plus. De cette pulvérisation de l'énergie résulte la dilatation de l'univers. Il est donc permis de supposer, ce que fait l'abbé Lemaître, que si nous nous tournons vers le passé, si nous remontons les âges cosmiques par milliards de siècles, nous retrouverons cette énergie de plus en plus concentrée jusqu'à ce qu'elle ne constitue plus qu'une espèce de monstrueux atome unique, l'atome primitif, doué d'une hyper-radioactivité fantastique, ayant pour masse atomique la masse totale de l'univers et dont l'explosion engendrera tout ce qui est. Voilà, nous sommes donc en 1948 hein, sur la radiodiffusion française. C'est intéressant parce que vous n'entendez pas le terme Big Bang simplement parce qu'il n'a pas encore été prononcé. Il sera prononcé un an plus tard, mais un peu moins puisqu'on est en septembre. Il sera prononcé en mars 49 par quelqu'un qui était contre ce modèle, qui était le physicien britannique Fred Hoyle, hein, qui était lui partisan d'un état stationnaire. C'est intéressant de rappeler que pendant très longtemps, entre la formulation de cette idée du Big Bang en 1927 et son acceptation par la communauté astrophysique, il se passe beaucoup de temps, Jean-Marc Bonnemido. Absolument. Et il se passe beaucoup de temps pour une raison extrêmement simple, c'est que dans ce scénario, on pourrait plutôt parler de scénario que de théorie, bien évidemment, hein, parce qu'il faudrait revenir dessus. Mais dans ce scénario, évidemment, ce qui gouverne l'âge de l'univers, c'est le rythme de son expansion. Or, à cette époque, malheureusement, la première détermination qui va arriver, qui est faite en 1929 par l'astrophysicien Edwin Hubble, eh bien, nous donne une constante de Hubble beaucoup plus grande, si bien que si on calcule l'âge de l'univers, on arrive à 2 milliards d'années, alors que tout le monde sait, à cette époque, que la Terre a au moins 4 milliards d'années. Donc, cette espèce de contresens entre la théorie du Big Bang et l'observation de l'âge de la Terre fait que cette idée va rester pendant longtemps, en fait, assez en second plan. On s'est dit, c'est une tentative, mais ça ne marche pas. François Hammer, à quel moment on admet, parce qu'aujourd'hui, cette théorie du Big Bang, ou ce modèle, appelons-le comme vous le souhaitez, est très largement, communément reconnu comme étant le meilleur modèle dont on dispose jusqu'à preuve du contraire. Oui, effectivement, et j'ai beaucoup apprécié qu'on parle de Lemaître, parce qu'effectivement, Lemaître a joué un rôle extrêmement important dans les observations d'une part, parce qu'il a même, il a en fait publié deux années avant Edwin Hubble. Et c'est d'ailleurs l'UAI a reconnu justement ce rôle important. Le modèle du Big Bang est ce qu'on appelle en fait le modèle standard, parce qu'il faut élargir un petit peu. C'est un modèle cosmologique dans lequel un certain nombre de constantes existent, en particulier ben justement l'expansion de l'univers d'une de ces constantes, est un modèle qui est remarquable parce qu'il reproduit effectivement essentiellement et de façon remarquable tout ce qu'on connaît dans les structures à grande échelle. C'est un modèle qui est remarquable de ce point de vue-là, avec une description en fait de ce qu'on appelle une distance cosmologique qui est unique. Donc, quelque part, on peut dire qu'il marche très bien à certaines échelles. À certaines échelles, on verra que ce n'est peut-être pas le cas à toutes les échelles. Ce qui est aussi intéressant, Jean-Marc Bonnemido, c'est que toute la perfection, tout le perfectionnement des techniques d'observation, qu'elles soient sur Terre ou en orbite, jusqu'à preuve du contraire, pour le moment, tout a confirmé, toutes les preuves observationnelles ont confirmé ce modèle. Jusqu'à preuve du contraire. Alors, je serais plus prudent, parce qu'en fait, c'est pour ça que j'ai insisté tout à l'heure entre la distinction entre théorie et scénario. Une théorie, ça prend des conditions initiales et ça décrit par des équations l'évolution d'un système. Le Big Bang ne fait pas ça. Le Big Bang est un scénario qui reconstruit les conditions initiales dont on a besoin pour pouvoir rendre compte de ce qui se passe après. Alors, on a vu dans l'histoire du Big Bang, effectivement, arriver des révolutions tous les 30-40 ans, puisqu'on est parti d'un Big Bang, celui de Edwin Hubble et de Lemaître avec une expansion continue. Et tout d'un coup, on s'est dit, l'univers, il est trop homogène. Il est, on va dire, un terme technique, il est plat, c'est-à-dire la géométrie est plate, et il est trop homogène. Et on n'arrivait pas à expliquer ça. Ça se passe en 1981. Et ce que beaucoup de gens n'ont pas compris, c'est qu'on change de modèle à ce moment-là. On invente ce qu'on a appelé l'inflation, c'est-à-dire une phase d'expansion accélérée au tout début, qui va rendre justement l'univers plat et homogène. À partir de ce moment-là, on pourra dire qu'on est en accord avec les observations. Mais à la clé de ça, et comme corollaire important, il faut beaucoup plus de matière. Parce que pour être plat, l'univers doit avoir la densité qu'on appelle critique. Mmh. Et à l'époque, on ne connaît que 10% de cette densité critique. Et ça va être ça qui va déclencher, pas l'invention, puisque par ailleurs on avait des indications, mais la nécessité de la matière noire dans le Big Bang. Et donc, c'est une première introduction d'une nouvelle donnée, la matière noire. Et puis ensuite, on aura en 1998 une deuxième découverte. Les gens qui voulaient effectivement mesurer l'expansion pour vérifier qu'elle se ralentissait sous l'action de la matière, en fait, de la gravitation. De la gravitation, mais oui, de la gravitation via la matière, en fait. Eh bien, ils vont constater l'inverse. C'est-à-dire que cette expansion s'accélère. Et c'est là qu'effectivement, on n'a aucun moyen d'expliquer ça par le simple jeu de l'expansion naturelle et de la gravitation de la matière, et on est obligé d'introduire l'énergie noire, l'énergie sombre. Et voyez, en quelques dizaines d'années, deux éléments extrêmement importants vont dominer l'histoire du Big Bang, la matière noire et l'énergie noire. Et c'est ce qui arrive au modèle cosmologique actuel, dont nous allons parler, puisqu'il y a besoin de comprendre ce modèle cosmologique pour pouvoir ensuite l'extrapoler à ce qui arrive dans le futur. France Culture, la méthode scientifique, Nicolas Martin. Nous parlons donc d'extrapolation, puisque nous avons reconstitué un scénario depuis le Big Bang jusqu'à aujourd'hui, 13,77 milliards d'années après. Mais que se passe-t-il ensuite? Il y a différents scénarios que nous allons examiner tout au long de cette heure en compagnie de Jean-Marc Bonnet-Bidot et de François Hammer. Peut-être qu'on peut dire maintenant effectivement en quoi consiste ce modèle cosmologique qui s'est complété ces différentes et ces dernières années, comme vient de le rappeler Jean-Marc Bonnet-Bidot, et qui amène tout de même à cet état de fait assez surprenant, François Hammer, c'est que nous disposons d'un modèle cosmologique très solide, mais dont nous ne connaissons finalement que 5%. Alors c'est un peu que ce que disait Jean-Marc, un modèle très solide d'univers, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile à faire. C'est une tâche proche de l'impossible, en fait. Pourquoi ? C'est parce que quand vous faites le modèle de l'univers, vous faites le modèle du tout. Or, le modèle du tout, c'est facile à invalider, évidemment, parce que ça implique tout. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, oui, le modèle cosmologique dit standard est effectivement remarquable parce qu'il reproduit très bien le Big Bang, il reproduit très bien les abondances des éléments chimiques, il reproduit très bien la formation des galaxies, donc reproduit énormément de choses, effectivement. Sa base du point de vue observationnel, parce qu'il faut penser que ce modèle n'est basé que sur des observations astronomiques. C'est l'astronomie qui a fait le modèle de la cosmologie, que ce soit pour les observations des supernovae, que ce soit pour l'observation dite de la matière sombre, par exemple, qui était trouvé autour des grandes galaxies spirales, en particulier par l'astronome néerlandais Albert Bosma et aussi une astronome américaine. C'est des résultats qui ont été assez fondamentaux, qui ont apporté effectivement, pour la première fois, il y a eu un lien qui a été fait entre les astronomes qui mesuraient, qui faisaient leurs mesures, et les physiciens qui avaient besoin effectivement de vérifier si leur théorie d'inflation, en particulier, était valide, d'une part, et ainsi que les théories de supersymétrie, c'est-à-dire la théorie des particules. Et on est arrivé à un accord. Mais entre les astrophysiciens et les astronomes de l'autre côté. Voilà. Alors, les choses bougent. Je précise pour les auditeurs que nous avions consacré une émission entière justement à cette inflation et à cette théorie de l'inflation qu'on vient de vous mettre le lien sur le fil Twitter de l'émission. Jean-Marc Bonnet-Bidot, comment expliquer rationnellement qu'un modèle dont on connaît aussi peu de choses en termes observationnels, puisqu'encore une fois la matière noire et l'énergie sombre sont pour le moment des objets putatifs, donc 5% de la matière, c'est-à-dire la matière baryonique, les planètes, nous, la matière, les atomes tels qu'on les connaît, c'est tout ce qu'on connaît, et pourtant ce modèle-là est aujourd'hui le modèle le plus solide dont on dispose. Oui, moi je serais beaucoup plus prudent, parce que je pense qu'effectivement, on dispose de très peu de choses. Je vais vous donner un exemple, si je vous donne un livre de 100 pages, et que je vous donne à lire uniquement 5 pages, c'est-à-dire 5%, est-ce que vous allez pouvoir me raconter ce qu'il y a dans le livre ? Non, certainement pas. Donc ce que nous racontons, c'est quelque chose de très très supputatif, très très hypothétique, à l'aide principalement d'équations. C'est presque de la numérologie, si vous voulez. Et donc, allez vous fâcher avec des astrophysiciens si vous dites que l'astrophysique, c'est de la numérologie. Il y a un certain... Parce qu'il faudrait parler de notre communauté, c'est beaucoup enrichi. Alors, je vais faire un petit détour, mais on a aggloméré avec nous des physiciens des particules. Le physicien des particules, lui, fait de la statistique et répète son expérience des milliards de fois dans un accélérateur. Nous, astronomes, on avait l'habitude de faire des facteurs 2 dans tous les sens. Et ces deux communautés sont mises ensemble. Et d'une certaine façon, la communauté des physiciens des particules nous a amené cette culture du nombre que j'appelle numérologie. Ça peut être pas tout à fait forcément négatif, mais c'est quand même quelque chose qui est apparu. Alors que nous, en tant qu'astrophysiciens, on sait que la galaxie d'Andromède, c'est un facteur 2 encore, sa distance. Voyez, donc ce que je veux dire, c'est que... Alors, à partir de là, le débat est effectivement, pour moi, je pense qu'on ne peut que supposer qu'en écrivant la même équation que nous écrivons à l'heure actuelle, qui comporte ces deux inconnus supplémentaires, on peut la travailler pour savoir ce que ça donne. Vous voyez. Mais ensuite, après, est-ce que la réalité va correspondre à ce que nous prédisons à partir de là? On en est absolument loin. Et il y a maintenant des contre-exemples où effectivement les observations tendent de plus en plus à s'écarter des prédictions qui sont faites dans le cadre de ce modèle. On pourrait les citer, effectivement, il y en a de plus en plus. Alors, les Africains appellent ça de façon très pudique des tensions, hein, pour ne pas dire que ça rentre en contradiction, mais c'est le cas à l'heure actuelle. Donc, on est plus tout à fait dans le domaine de la confirmation immédiate d'une hypothèse qu'on aurait faite. Et d'autre part, pour énergie noire et matière noire, il faut bien voir que nous ne connaissons pas la nature, la distribution et la façon dont ça interagit les uns avec les autres. Donc c'est quand même essentiellement une inconnue totale, c'est pas une petite inconnue. Est-ce qu'on peut rappeler peut-être pour les auditeurs, François Hammer, ce modèle cosmologique qu'on appelle le modèle lambda CDM pour Cold Dark Matter, les trois grands paramètres qu'il définit, c'est-à-dire la courbure, la matière noire et l'énergie sombre. Qu'est-ce que c'est que ces trois paramètres et pourquoi est-ce qu'ils sont importants pour comprendre le passé et le devenir de notre univers? Autant l'expansion de l'univers est un paramètre qu'on peut appréhender facilement parce que c'est vraiment une expansion de l'univers, la façon dont les galaxies s'éloignent les unes des autres. Autant le... C'est la constante de Hubble, ça. Bon, on n'est pas d'accord sur... C'est un peu plus compliqué. Voilà. C'est un peu plus compliqué que ça. C'est pas seulement un désaccord, c'est un peu plus que ça. Les autres paramètres sont un peu plus difficiles à expliquer parce qu'effectivement, là, par exemple, la matière qui serait essentiellement de la matière sombre, correspond à quelque chose qu'on ne connaît vraiment pas. Par contre, pour le coup, ça fait 40 ans qu'on la cherche, ça fait 40 ans qu'on la trouve pas, on va dire. L'énergie sombre est bien pire que ça, puisque elle-même, l'énergie du vide, elle existe en physique quantique, mais malheureusement, pas du tout dans les mêmes quantités. Les facteurs entre l'un et l'autre sont tellement énormes que j'ose même pas les dire. Alors c'est la première partie de la réponse. La deuxième partie de la réponse, c'est qu'en ce moment même, la communauté cosmologique s'intéresse vivement à plusieurs études. Il se trouve, j'en ai déposé une ce matin, hein, aux archives. Alors la première étude, c'est une étude qui est faite par des astrophysiciens sud-coréens et de Lyon aussi, qui ont réobservé en fait les galaxies hôtes des supernovae. Et qui montre en fait que les luminosités de ces objets dépendent énormément de leur âge. Et ils trouvent effectivement, alors c'est ce qu'ils disent, hein, c'est ce qu'ils trouvent dans l'article, ils trouvent qu'effectivement, ça expliquerait complètement les observations sans constante cosmologique. Alors évidemment, ça... Sans redshift? Alors c'est juste qu'un décalage spectral de l'ordre de 1, hein, à mon souvenir. Ça a été, il y a eu ce qu'on appelle un rebuteau là, en particulier le prix Nobel Ries a écrit dans une revue en disant que c'était faux. Mais bon, pour l'instant, c'est quand même intéressant de voir qu'on a ce genre de choses. Alors il y a encore autre chose aussi. L'univers plat a été longtemps, depuis les années 80, hein, l'univers plat a été considéré comme étant le saint graal, je dirais, de la cosmologie. Et là, récemment, le satellite Planck, qui est quand même le satellite de référence d'observation du corps fossile. Alors j'explique, le corps fossile, c'est la première radiation de l'univers. Le fond du spectre cosmologique. Cosmologique, si vous préférez. Et des gens qui ont beaucoup été impliqués justement dans la mise en place de ce fameux modèle lambda CDM, je pourrais citer Joe Silk par exemple, sont signataires d'un papier qui décrivent que peut-être que finalement il n'est pas plat l'univers. Il ne serait pas impossible, là ça va vous intéresser, parce que ce serait pas impossible, s'il n'est pas plat, il est courbé, et s'il est courbé, il y a un peu plus de matière que prévu, et dans ce cas-là, il est courbe et il serait fermé. Alors évidemment, ça contredit tout un tas d'autres choses. Je ne vais pas rentrer dans la polémique, vous imaginez le nombre de polémiques. Donc ça, c'est pour vous dire que nous vivons une époque extrêmement intéressante et les papiers dont je vous parle sont de loin les plus lus. Je rappelle que le fond diffus cosmologique, c'est ce rayonnement fossile que l'on trouve à 380 000 ans après le Big Bang, qui a été découvert, je parle sous votre contrôle, dans les années 80, en 65, pardon, autant pour moi. C'est ça. Alors, vous voyez, j'étais un peu trop tard. Et dont nous avons parlé, si vous voulez vous renseigner là-dessus, nous avions consacré une heure entière à ce fond diffus cosmologique. On va vous remettre le lien. Jean-Marc Bonnabino, vous voulez compléter ce que disait François Hammer? Oui, c'est très intéressant parce que l'histoire de l'énergie sombre, là, qui effectivement vient d'une analyse, au départ, uniquement traitement d'un certain type de phénomènes cosmiques qu'on appelle les supernovae. Et qui partent d'une hypothèse que toutes ces supernovae... Ce sont des explosions d'étoiles. Exactement. Voilà, explosions d'étoiles massives, évidemment, qui sont très, très lumineuses, donc visibles à grande distance. Donc on peut explorer l'univers jusqu'à des grandes distances, ce qui nous permet de retracer la façon dont l'expansion va évoluer. Mais ce qu'on a oublié de signaler souvent, c'est que ces supernovae ne sont absolument pas du tout les mêmes. Ça dépend de la nature de l'étoile, de la composition. Or, les gens qui ont fait cette étude ont trop, trop rapidement oublié. Alors, ils ont poursuivi l'étude pour vérifier, mais ça veut dire qu'on est sujet à ce que disait François Hammer, effectivement, à des choses que si les objets ne sont pas de même nature, eh bien, ils vont nous faire croire à quelque chose qui n'existe pas. Donc, cette énergie sombre, pourquoi cette découverte? Moi, j'étais très surpris parce que 98, on découvre l'énergie sombre. Je crois que c'était 2011. On découvre la postule, puisqu'on la découvre pas. Voilà, vraiment, enfin, c'est découvert. Voilà, c'est ça. Vous avez raison. Oui, il ne faudrait pas employer ce mot-là. Oui. On soupçonne qu'elle puisse exister par ces supernovas. Et en fait, c'est en 98. En 2011, les gens qui ont fait ça ont le prix Nobel. Un délai extrêmement court. Et alors, j'ai expliqué ça pourquoi? Parce qu'en fait, on avait besoin de l'énergie sombre. Ce que j'ai oublié d'expliquer tout à l'heure, c'est que quand on a eu cette inflation qui nous a imposé une grande quantité de matière pour arriver à avoir un univers plat, à la densité critique, c'est que si on gardait le phénomène comme ce, avec simplement matière et la densité critique, alors effectivement, en fait, on l'âge de l'univers retombait à quelque chose comme 7 ou 8 milliards d'années, en contradiction avec l'âge observé. Et donc, il fallait donc réinjecter quelque chose pour contrebalancer cette gravité trop grande. Donc, en fait, c'est une espèce de jeu en conséquence. Hein. L'inflation imposait beaucoup de matière, mais s'il y avait beaucoup de matière, il fallait réinjecter de l'énergie sous la forme d'effectivement de cette expansion par l'énergie noire. Sinon, l'âge de l'univers ne correspondait pas. Cet âge de l'univers a été toujours le point d'accroche des scientifiques. Ils ont dit, voilà, il faut au moins reproduire l'âge de l'univers. Alors, j'aimerais qu'on arrive et qu'on raccroche un peu les wagons avec le thème de notre émission du jour, qui est la suite de la vie et de l'existence de cet univers. Je disais tout à l'heure, on a quand même une visibilité à quelques dizaines, centaines de millions d'années, quelques milliards d'années. Peut-être on sait par exemple ce qui va advenir de notre Soleil, François Hammer. Oui, tout à fait. Tout à fait. L'évolution stellaire est une science qui n'est peut-être pas totalement exacte, mais enfin qui est relativement de très bonne qualité. On connaît comment évoluent les étoiles, et en particulier les étoiles, je dirais, de faible masse, comme le Soleil, qui est une étoile naine. Effectivement, à un certain moment, le Soleil va devenir, dans à peu près 4 milliards d'années, hein, je ne vais pas vous donner plus de précisions, je ne pense pas que c'est très utile, va devenir une géante rouge et va en fait englober essentiellement l'orbite terrestre. Donc là, effectivement, pour la Terre, on peut dire que la prédiction est assez précise. Je dirais que il y a beaucoup d'événements où les scientifiques sont capables de vous prévoir certaines choses, mais plus les événements sont, je dirais, grandioses, plus c'est difficile. Alors vous voyez, par exemple, on peut pas ne pas parler de l'atmosphère terrestre. Hein, c'est le GIEC hein, qui a bien montré, c'est des scientifiques qui ont montré après un nombre d'analyses. C'est hallucinant le travail qui a été fait. Il montre que oui, bah, la température va augmenter à cause de ce qu'on émet en carbone. Mais je vais vous donner un autre exemple, beaucoup plus loin cette fois, beaucoup plus astronome. Il a été prédit en 2012 que notre galaxie allait rencontrer la galaxie d'Andromède. Vous en aviez parlé à ce micro d'ailleurs. J'ai dû en parler dans ce micro et je dirais d'ailleurs la même chose. C'est que le même astronome a refait une analyse avec des nouvelles données du satellite Gaïa qui permet de retrouver les positions extrêmement précisément. Bah, il semblerait que non, ça va passer proche, mais ça va pas le faire. Donc vous voyez, on peut prédire des choses très proches de nous, on peut prédire des choses où on connaît extrêmement bien la physique, mais dès que vous commencez à vous éloigner sérieusement, la galaxie Andromède, on ne sait pas si elle va rencontrer la Voie lactée, c'est notre plus proche voisine. Donc pour prédire ce que va devenir l'univers, c'est pas gagné. Plus proche voisine, alors il faut toujours donner des ordres de grandeur, parce que quand on passe à l'échelle cosmologique, plus proche, ça veut dire quand même très très loin. Oui, oui, oui, tout à fait. C'est-à-dire la galaxie Andromède, elle a combien de... 2 millions d'années. 2 millions d'années-lumière, voilà. Oui, c'est proche. C'est-à-dire que quand on l'observe à la lunette, on voit aujourd'hui la lumière qui était émise il y a 2 millions d'années. Donc c'est quand même, pour donner des échelles de grandeur... D'ailleurs, le système le plus proche, Proxima du Centaure, est à 4 années-lumière. Voilà, c'est juste pour dire un peu aux gens l'échelle de grandeur. Alors, le Soleil, on sait à peu près comment évoluent les étoiles. D'ailleurs, quel que soit leur type, on en a observé différents. Est-ce qu'on sait comment évoluent les galaxies dans le temps? Est-ce qu'on a déjà vu, par exemple, mourir une galaxie ou une galaxie se transformer, Jean-Marc Bonnebido? Alors, les galaxies, c'est plutôt leur activité de formation d'étoiles par lesquelles on va caractériser leur vie. C'est-à-dire, elles ont une réserve de gaz. Par exemple, la galaxie a encore une réserve de gaz. Elle peut encore produire des étoiles. Donc, elle va continuer à briller. Après, effectivement, le gaz sera, épuisé beaucoup, bien avant que les étoiles ne s'éteignent. Donc, en fait, les galaxies vont continuer à faire briller leurs étoiles, mais sans en former de nouvelles. Et ensuite, après, pour les étoiles, alors autant les étoiles très massives, alors durent l'espace d'un instant. Parce qu'elles durent très peu de temps, oui. Plus les étoiles sont grosses, plus leur durée de vie est courte, rappelons-le. Les plus petites durent une immensité de temps. Je crois qu'une étoile d'un dixième de la masse de Soleil dure 10 000 milliards d'années. Donc c'est énorme par rapport à l'âge de l'univers. Donc ça veut dire que si elles ne cessent de se former, celles-là continueront à briller au moins pendant 10 000 milliards d'années. Donc, à terme, les galaxies vont épuiser leur matière, les étoiles vont épuiser leur réaction thermonucléaire. Ça, c'est des choses qu'on peut à peu près prévoir. Le problème, c'est quand on change d'échelle, comme vous le disiez, François Hammer, ou alors que ce soit qu'on augmente l'échelle ou qu'on la réduise, parce que l'une des questions, c'est de savoir finalement quel est le devenir de la matière, et on rejoint ce que vous disiez tout à l'heure, Jean-Marc Bonnebido, c'est-à-dire les travaux en physique des particules. Bonjour Antoine Bochon. Bonjour Nicolas. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous ai dit Bochon. Antoine Bochon. La question est donc de savoir, et si le proton lui-même, c'est-à-dire si la matière baryonique elle-même était instable, qu'est-ce qui se passerait? Est-ce que la stabilité du proton a des conséquences sur bien la fin de l'univers? Et pour en parler, je suis allé rencontrer François Vannucci, qui est professeur émérite à Sorbonne Université et membre du laboratoire de physique nucléaire et des hautes énergies. En fait, dans les années 70, certains physiciens ont émis une hypothèse un peu iconoclaste selon laquelle le proton pourrait être une particule instable et donc pourrait se désintégrer. Conséquence de cela, c'est bien simple, la matière baryonique pourrait à très long terme disparaître. François Vannucci nous explique les méthodes expérimentales requises pour tester cette stabilité du proton et il nous rassure un peu sur notre futur. Ultra lointain, la probabilité d'une instabilité du proton ne devrait pas trop nous inquiéter. Stabilité, ça signifie qu'une particule est éternelle. Instabilité, ça signifie qu'elle se désintègre. La désintégration du proton, c'est une idée qui a été très à la mode dans les années 70. Et ça venait, comme d'habitude, des théoriciens qui sont très imaginatifs. Et ces théoriciens travaillaient sur ce qu'on appelle les modèles de grande unification. Alors, c'est quoi la grande unification? Dans la nature, il y a actuellement quatre forces. On connaît la gravitation depuis Newton. Ensuite, on a trouvé la force forte qui lie les nucléons dans les noyaux atomiques. On a trouvé la force faible, qui est prédominante, par exemple, pour les neutrinos, et puis la force électromagnétique. La force électromagnétique, c'est l'électricité, c'est le magnétisme, c'est les équations de Maxwell du 19e siècle. Avec ces quatre forces, la dernière, c'est la force faible, on l'appelle aussi interaction de Fermi, parce que c'est Enrico Fermi, quand il a travaillé sur la théorie du neutrino, qui a inventé ça dans les années 1930. Alors, quatre interactions, plus une douzaine de constituants élémentaires avec leurs anticonstituants, etc., ça fait beaucoup, beaucoup de paramètres indépendants qui semblent être complètement fortuits. L'une des idées favorites des théoriciens, c'est d'essayer de comprendre si tous ces paramètres qui semblent aléatoires viennent de quelques grands principes. Et en particulier au niveau des forces, on a déjà fait un grand progrès dans les années 70. C'est ce qu'on appelle l'unification de la force électromagnétique et de la force faible. Et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui la force électrofaible. Mais les théoriciens, qui sont des personnes très ambitieuses, se sont dit « bon, ben continuons et essayons d'unifier cette nouvelle force électrofaible » avec la force forte. Alors là, c'est beaucoup plus compliqué. Alors c'est ça qu'on a appelé la grande unification. Cette grande unification avait comme conséquence que le proton peut se désintégrer. Parce que cette grande unification prédisait l'existence de nouvelles particules de très très très grande masse qui permettaient la désintégration du proton. Alors, la désintégration du proton, c'est quelque chose de fondamentalement nouveau, parce que le proton, ainsi que le neutron, hein, proton et neutron, c'est ce qui forme la matière. Alors, bien sûr, il y a aussi les électrons, hein, mais toute la masse, pratiquement toute la masse de la matière. Alors, attention, je parle de la matière ordinaire, hein, ni la masse manquante de l'univers, ni l'énergie noire qui sont les deux grandes énigmes actuelles. La matière baryonique, là on parle de matière baryonique. Exactement, oui. On parle donc de protons et neutrons pour la matière ordinaire. Et ces protons et neutrons, dans toutes les réactions qu'on peut étudier auprès des accélérateurs, le nombre de protons et de neutrons est constant, est conservé. C'est-à-dire la matière se conserve. Donc imaginez que le proton et en parallèle le neutron peut se désintégrer, ça signifierait que la matière, petit à petit, pourrait disparaître. Les modèles donnaient des temps de vie énormes, de l'ordre, si je me souviens bien, de 10 puissance 31 ans. Essayons de voir un petit peu ce que ça signifie. L'âge de l'univers, c'est 14 milliards d'années, c'est-à-dire 10 puissance 10 ans, grosso modo. 10 puissance 31 ans, c'est 21 ordres de grandeur plus grand que l'âge de l'univers. C'est-à-dire que même pendant tout l'univers qu'on connaît depuis le Big Bang, il n'aurait disparu que 10 puissance moins 21, c'est-à-dire, ça fait combien ? Un millième de milliardième des protons ou des neutrons qui auraient été fabriqués au moment du Big Bang. Millième de milliardième, c'est manifestement pas grand-chose. On veut tester l'hypothèse de 10 puissance 31 ans, désintégration sur 10 puissance 31 ans. Vous voyez que si on prend 10 puissance 31 protons, on a une chance par an d'avoir le signal attendu. 10 puissance 31 protons, c'est pas tellement. Parce que le nombre d'Avogadro, 6, 10 puissance 23, c'est à peu près le nombre de protons ou de neutrons que vous avez dans un centimètre cube de matière. Et donc, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on essaye de construire un gros détecteur suffisamment grand pour aller repêcher ces événements. Alors, ce gros détecteur, deux gros détecteurs ont été construits dans les années 70. L'un aux États-Unis, dans une mine de sel dans l'Ohio, et l'autre au Japon, et tous les deux étaient très similaires. C'était une piscine d'eau qui faisait une kilotonne, 1000 tonnes d'eau, c'est-à-dire à peu près un volume de 10 mètres par 10 mètres par 10 mètres. Ce gros volume, on peut calculer, à partir du nombre d'Avogadro, il doit contenir de l'ordre de 10 puissance 34 protons et neutrons. Donc 10 puissance 34 avec une probabilité d'un temps de vie de 10 puissance 31, on attend 1000 événements, 1000 signes de désintégration par an. C'est tout à fait confortable. Et donc, l'expérience a été faite. On n'a pas trouvé de signature. De désintégration du proton. Et donc, moralité de l'histoire. Il ne faut surtout pas s'effrayer de la désintégration du proton quand on réfléchit à l'avenir de notre univers. CQFD aurait-on envie de dire après cette démonstration de François Vannucci ? Une réaction peut-être l'un et l'autre à ce que vous venez d'entendre, Jean-Marc Bonnet-Bido ? Oui, c'est très intéressant parce qu'en fait, cette histoire de la désintégration du proton, elle a passionné aussi des astrophysiciens. Parce qu'en fait, dès 1967, un physicien russe qui s'appelait Andrei Sakharov, qui est devenu par la suite un célèbre dissident de l'Union soviétique, avait donné les conditions pour que la matière et l'antimatière soient différentes de telle sorte que, dans le cadre du Big Bang, normalement, on explique que l'antimatière disparaît, il ne reste plus qu'un peu de matière. Or, en fait, le fait qu'on n'ait pas trouvé que le proton ne se désintégrait pas, en fait, jusqu'à maintenant des durées assez longues, invalide en quelque sorte cet espoir qu'on avait de trouver une explication à la disparition de l'antimatière. La dissymétrie originelle. La dissymétrie originelle qui reste, à l'heure actuelle, un des points les plus compliqués pour le Big Bang, enfin le modèle standard, plus exactement. Donc voilà, c'est dit en passant, ça rejoint la cosmologie, cette histoire de désintégration du proton, plus qu'on ne le croit. François Hammer ? Oui, effectivement, c'est les petites échelles vont nous apprendre vont nous apprendre beaucoup de choses. On s'attend dans ce cas-là effectivement à ce que si on multiplie les années, il va y avoir les protons vont se reconstituer dans certains éléments, peut-être même du fer, qui est un élément relativement très stable. Donc ça peut apporter, je dirais, quelque chose à ce débat en particulier, et en particulier quand on commence à jouer avec les trillions d'années. Oui. Peut-être faut rester un tout petit peu plus modeste, et pour rester un tout petit peu plus modeste, on peut dire aujourd'hui, et ça a été dit d'ailleurs par certains astronomes, la découverte en fait que la formation stellaire était beaucoup plus importante, 10 fois plus importante, il y a 8 milliards d'années. En fait, on est aujourd'hui dans un univers qui se ralentit. Alors certains ont dit même un univers qui est en train de mourir. Bon, faut pas pousser mes mères, je dirais. Je dirais plutôt, c'est un univers qui se refroidit. Ça, c'est exact. L'univers se refroidit. Et ça va nous donner des indices sur quelques-uns des scénarios, justement, du devenir de cet univers. C'est ce dont nous allons parler dans quelques secondes. Space de Roy Sop à 16h40 sur France Culture, puisque c'est là où nous sommes et c'est là où nous passons l'heure, dans l'espace, plus exactement dans l'univers, et nous demandons ce que va devenir cet univers, comment il va évoluer dans le futur, est-ce qu'il va arriver un jour à sa fin? C'est la question à laquelle nous tâchons de répondre en compagnie de Jean-Marc Bonnet-Bideau, qui est astrophysicien au CEA et spécialiste en astrophysique des hautes énergies, et François Hammer, astronome et instrumentiste à l'Observatoire de Paris. Alors attaquons-nous au modèle, hein, puisque comme pour le Big Bang, il y a des modèles qui ont été établis pour le devenir de l'univers, certains ont été démentis, d'autres sont plus solides que d'autres. J'aimerais qu'on les examine ensemble. Le premier de ces modèles s'appelle le Big Crunch, l'effondrement terminal en français. Qu'est-ce que c'est que ce Big Crunch, François Hammer? En fait, c'est le cas où l'univers contient suffisamment de matière pour compenser l'expansion. Et puis finalement, l'expansion ne va plus être une expansion, c'est-à-dire que les galaxies vont revenir les unes avec les autres pour finalement se mélanger dans une fusion et dans un immense effondrement, en fait. Alors c'est une théorie qui peut fonctionner, en particulier si la masse de l'univers est particulièrement importante. Donc il demande évidemment beaucoup plus de masse que ce qu'on connaît aujourd'hui. C'est un modèle qui est maintenant, qui revient au goût du jour, un petit peu. Parce que ça avait été abandonné pendant un moment. Ça avait été très abandonné parce que, pour la raison dont on a parlé tout à l'heure, effectivement, d'un univers qu'on appelle plat. Un univers plat, c'est juste un univers dans lequel, pour illustrer, la somme des angles d'un triangle, c'est 180 degrés. Sinon, ça va pas être 180 degrés quand l'univers est courbe. Donc, cet univers plat, on s'attend effectivement cette fois à une expansion des galaxies. Les galaxies continuent à s'éloigner les unes des autres, mais leur éloignement se ralentit, c'est-à-dire qu'à la fin des temps, en fait, elle s'arrête de s'éloigner, mais à la fin des temps. Donc, en fait, on a aussi dans un univers, cette fois, qui est exactement le contraire, c'est un univers qui va se refroidir. L'idée de ce scénario de Big Crunch, Jean-Marc Bonnet-Bideau, c'est que finalement, à un moment donné, la gravitation reprenne le pas sur l'énergie sombre, si je synthétise un peu. Exactement, exactement. En fait, on a un équilibre à trouver entre l'expansion qui peut être aidée par l'énergie sombre et puis la gravitation de la matière. Et donc, si cet équilibre bascule du côté de la matière, eh bien, effectivement, on revient en arrière. Au lieu d'une expansion vers l'extérieur, c'est vers l'intérieur, on pourrait dire, et on remonte un petit peu les étapes qu'aurait connu l'univers dans le scénario du Big Bang. Et après, alors se pose la question qu'on posait beaucoup de monde, mais on arrive où? Et donc ça a donné effectivement ce Big Crunch, ça a donné lieu aussi à d'autres développements où on arrive au grand rebond. Alors le Big Crunch, c'est le grand effondrement, et le Big Bounce. Le Big Bounce, c'est le grand rebond où les gens ont commencé à essayer de calculer comment on pourrait échapper aux conditions infinies. Si on remontait le temps, évidemment, on arriverait à monter en température, en densité vers des infinis, ce que la physique n'accepte pas. Dans la singularité initiale qui est censée être l'origine du Big Bang, posé aux physiciens, évidemment, avec la limite de leur physique. Et certains ont déjà eu des idées, effectivement, que, évidemment, par les biais de la mécanique quantique, on puisse, effectivement, ne pas comprimer totalement ce mini-univers qu'on aurait créé en le recontractant, et qu'il puisse rebondir et repartir dans une phase d'expansion, donc d'où arriver peut-être à créer, finalement, des univers dits cycliques, dans lesquels il y aurait une continuité d'expansion et de contraction. Mmh. Et donc, ce sont des hypothèses qui sont actuellement discutées. Voilà. Le Big Bounce, le grand rebond, c'est notamment une conséquence de l'une des tentatives de quantification de la gravité, qui est la gravitation quantique à boucle, développée notamment par Lis Molin et Carlo Rovelli. Donc ça veut dire que c'est qui avec la théorie des cordes est l'une des grandes théories de quantification de la gravité. Donc on imagine que c'est tout de même relativement solide, en tout cas théoriquement. Oui, enfin c'est en développement plutôt, bien sûr. Parce que je pense aussi bien à la théorie des cordes, qui est aussi un développement effectivement dans lequel on essaye de marier la gravitation avec la mécanique quantique, puisque c'est le gros problème des physiciens depuis plus près de 100 ans. Et c'est ce qui explique pourquoi on maîtrise assez mal l'évolution de l'univers, c'est qu'au fond finalement on ne connaît pas bien la gravitation. Et peut-être on aura l'occasion de parler d'alternatives à la matière noire, à l'énergie noire, qui vont chercher effectivement soit dans une modification de la gravitation, soit éventuellement dans la contribution de l'antimatière, par exemple, une façon de ne pas rajouter des éléments nouveaux dans notre bilan. Mais ça, effectivement, il faut bien se rendre compte que nos modèles d'univers sont extrêmement simplistes. On doit être là-dessus extrêmement humble, puisque nous faisons des hypothèses uniquement pour pouvoir résoudre les équations de la relativité d'Einstein. Il faut faire des hypothèses que uniquement la gravitation agit, en premier ordre, et qu'en plus l'univers est homogène et isotrope, c'est-à-dire effectivement aucune partie n'est différente des autres. À partir de ce moment-là, on peut réduire les équations à une seule équation, et ça nous permet d'avoir cette prédiction. Si on sort de là, si l'univers est inhomogène, par exemple, on produit d'autres choses. Si la gravitation est différente, on produit autre chose. Donc voilà, c'est un petit peu les limites de notre connaissance actuelle. François Hammer. Oui, j'aimerais bien rebondir justement sur ces aspects qui sont vraiment des aspects observationnels. C'est vraiment fondamental pour la discussion qu'on peut avoir ici. Par exemple, il y a de plus en plus d'études qui montrent un univers qui est plus inhomogène que ce qu'on en a cru, qui montre par exemple aussi une sous-densité que nous-mêmes nous vivrions dans un univers local, dans une densité qui serait plus basse en fait que la densité moyenne de l'univers, qui peuvent effectivement altérer, voire même plus, ce type de théorie. Sur l'énergie du vide, je dirais que les choses sont vraiment très difficiles aujourd'hui, parce que, comme l'a dit Jean-Marc, on peut interpréter la constante cosmologique dite lambda, du lambda CDM, c'est bien la même, par de l'énergie du vide, on peut l'interpréter par une modification de gravité, on peut l'interpréter par des multivers, on peut l'interpréter par plein de choses. En fait, on est arrivé à un niveau où la littérature est d'une richesse extraordinaire, mais je ne sais pas si les connaissances le sont. Il faut se poser peut-être cette question. Donc, c'est vrai que ça va être assez difficile de répondre exactement à ça, à votre question sur l'avenir de l'univers. Un des points quand même qu'il ne faut pas oublier, c'est que pour l'instant, je dirais, la théorie du lambda CDM standard, donc le modèle cosmique logique dont on parle depuis le début de cette émission, prévoit plutôt un big freeze, c'est-à-dire un grand refroidissement, un grand gel. Où effectivement, les galaxies continuent à s'éloigner les unes des autres. Comme l'a dit Jean-Marc, les étoiles, à un moment, elles finissent leur vie, elles s'épuisent. Le gaz, à un moment, soit il en reste, mais pas assez, en assez grande quantité pour former d'autres étoiles. Et puis, in fine, on se retrouve avec un univers dans lequel il n'y a plus de rayonnement, parce qu'il se refroidit aussi en même temps. Il faut penser que le rayonnement cosmologique lui-même va se refroidir aussi dans une telle expansion. Dans ce modèle du Big Freeze, du grand gel, qui est celui, alors encore une fois, je le rappelle, hein, on parle de modèle très spéculatif, tout ça est très spéculatif, il n'y a évidemment pas d'unanimité dans aucune des communautés, qu'elles soient physiques, astrophysiques, cosmologistes, tout ça donne lieu d'ailleurs à une littérature assez passionnante, mais très très diverse. On arrive donc, voilà, c'est ça, petit à petit, comme le décrit François Hammer, à une phase de dégénérescence, à une ère qu'on appelle l'ère des trous noirs, où finalement les dernières choses qui resteraient seraient les trous noirs supermassifs, Jean-Marc Benedito. Ça, c'est l'évolution, effectivement, de la matière, en fait, même s'il n'y avait pas d'énergie noire. C'est effectivement, la matière va évidemment perdre son énergie interne, et donc les astres vont se refroidir. Certains, s'ils sont assez massifs, vont se transformer en trous noirs. Alors après, évidemment, on va passer à une autre échelle de temps, puisqu'on a éventuellement pu penser, avec les travaux de Hawking, que les trous noirs pouvaient ou non s'évaporer, donc une grande question. S'ils s'évaporent, alors donc ils vont redonner un peu de leur matière, mais en général c'est un refroidissement lent et irréversible. Mais en fait, ce qui est intéressant ce que nous pose comme problème la cosmologie actuelle, c'est la dynamique de l'univers, en fait, parce que en fait cette énergie sombre, il faut bien réaliser qu'elle a déjà pris le pouvoir il y a à peu près 3-4 milliards d'années, et que si elle a les caractéristiques que l'on pense qu'elle a, eh bien, elle n'arrêtera pas de dominer la dynamique de l'univers. La matière deviendra complètement négligeable là-dedans. Et là, effectivement, on a une accélération, évidemment, de l'expansion. Cette énergie noire, en fait, il faut l'imaginer comme un milieu qui a une pression négative et qui donc accélère comme une antigravité, en fait. Et plus elle ne se dilue pas, c'est très important, elle ne se dilue pas, si on a compris ce qu'elle était, c'est l'hypothèse actuelle, elle ne se dilue pas, c'est-à-dire que plus l'univers augmente en volume, plus son effet augmente. C'est très important parce que la matière, elle, se dilue. Donc, elle perd de son pouvoir. Et donc, là... D'attraction gravitationnelle. Exactement. Ce qui faisait équilibre pendant un certain temps, qui a fait équilibre jusqu'à 3-4 milliards d'années, si on en croit les données actuelles. Et du coup, l'horizon cosmologique, en fait, à cause de cette dilatation démesurée, ce qui est très intéressant d'imaginer, c'est qu'on ne verra pas du tout le même ciel dans quelques 1000 milliards d'années, éventuellement 100 milliards d'années, peut-être, d'ailleurs. Où la Terre ne sera de toute façon plus là, quoi qu'il arrive, voilà, ça, c'est sûr. On est là avec une hypothèse, voilà, de se dire, imaginons qu'on puisse regarder ce qui se passe, parce que les galaxies proches, y compris les galaxies proches de l'amas local, vont effectivement s'écarter de notre galaxie et franchir cet horizon. L'horizon, c'est tout ce qui peut nous parvenir à la vitesse de la lumière. De l'espace observable. Or, comme l'expansion et l'énergie sombre, il faut voir ça comme une dilatation. Alors, il faut bien voir ça, pas comme une dilatation physique, c'est pas une vitesse physique, c'est une dilatation de l'espace-temps. Eh bien, elles vont sortir de l'horizon et à un moment donné, on ne verra plus Andromède, on ne verra plus que notre galaxie, tout aura disparu de notre espace de visibilité. Il faut rappeler pour les auditeurs, peut-être, parce que c'est un peu contre-intuitif, que l'univers que nous observons est l'univers dit visible et que notre horizon est celui de la lumière qui a pu nous arriver depuis le début de l'univers, qui est donc de 13 milliards d'années et quelques, mais que l'univers s'étant étendu, étant en expansion, l'univers a un diamètre qu'on estime jusqu'à 90 milliards d'années, je parle sous votre contrôle. Donc il y a toute une partie de l'univers à laquelle nous n'avons pas accès, ou nous n'aurons d'ailleurs jamais accès. Tout à fait. Bon, c'est bien résumé, ça va. C'est très important, effectivement. Il faut bien regarder que nous ne pouvons observer que l'univers observable. C'est ça notre domaine. Donc un certain rayon à partir de point où nous sommes, qui n'est pas justement l'âge de l'univers, parce que pendant que la lumière nous est parvenue, l'univers a continué à se dilater. C'est pour ça qu'il y a une différence. Autant nous parlons, le diamètre de l'univers est plus grand que l'âge de l'univers en milliards d'années. Mais ce qui est important de noter, c'est qu'en fait, si on était ailleurs, on verrait un autre univers. C'est-à-dire que il faut bien voir que nous ne sommes... On dit souvent que la cosmologie a rompu le centre de l'observateur. Mais non, l'observateur est toujours au centre de l'univers qu'il observe. Imaginons qu'on soit effectivement à l'autre bout de l'univers qui nous entoure, dont nous ne savons rien. Eh bien, on verrait peut-être autre chose. C'est la grande question que tout le monde se pose. C'est-à-dire que dans l'univers observable, il y a très peu de choses de l'univers, en fait. Quand vous évoquez, Jean-Marc Benedito, le fait que cette énergie noire gagne en puissance, prenne le pas, augmente finalement au fur et à mesure, on arrive aussi à un autre scénario qui n'est pas exactement celui du Big Freeze, qu'on appelle le scénario du Big Rip, celui de la grande déchirure, et où d'un seul coup, la puissance, l'énergie devient tellement importante que finalement, ce sont les plus grandes structures qui commencent à être déchirées par cette énergie, François Hammer. Oui, c'est là je voulais quand même souligner que c'est vraiment, ça devient extrêmement hypothétique, hein, parce que vous faites bien de le souligner. On est en train de parler de quelque chose qui a été observé il y a quelques Alors en statistique, on dit quelques sigmas. C'est pas énormément. Et on en rajoute, je dirais, beaucoup au niveau théorique, parce qu'il faut bien comprendre quand même que c'est une des interprétations de cette déviation des courbes de lumière des supernovae. Donc là, je pense que le Big Rip commence à être très imaginaire, je dirais. Je pense qu'il faut peut-être dire un petit, tout petit peu plus sur le grand refroidissement. Bien sûr, je vous en prie. Qui n'a pas besoin, en tout cas, de ce genre de choses, qui considère effectivement donc un univers qui n'a pas assez de matière pour reconverger, pour s'effondrer. Dans ce cas-là, ce qui va se passer, alors là, on parle des trillions d'années, hein, enfin d'un nombre absolument hallucinant d'années, et que vous êtes à 10 puissance 50, et vous êtes dans le cas de l'évaporation des trous noirs, justement. Il y a un moment, ce qui va se passer, tout bêtement, c'est qu'on va maximiser l'entropie. C'est-à-dire, on va se retrouver dans un système dans lequel, en fait, il n'y a plus du tout, de gradient entre quoi que ce soit de l'énergie, que ce soit de la matière, ce que vous voulez. Donc, c'est un univers. Alors là, pour le coup, là, je vous le dis, il est mort. Dans ce cas-là, effectivement. Alors, ça fait partie, effectivement, je dirais, plus des possibles, au sens où on n'a pas besoin de réinventer tout un tas de choses ou de construire, je dirais, un petit peu. Il faut faire attention de ne pas construire des châteaux de cartes sur du sable. Pas grand-chose, voilà, c'est difficile, hein, c'est difficile de répondre. Le Big Freeze, c'est effectivement l'état maximal d'entropie de l'univers, où effectivement plus rien n'interagit. On arrive dans les dernières minutes, j'ai une question tout de même pour vous deux. Est-ce que, penser à ces échelles-là, qui sont évidemment des échelles de trillions d'années et peut-être même plus, est-ce que penser le temps, en termes physiques, ça a encore du sens à cette échelle-là? Est-ce qu'on peut imaginer simplement que quand il n'y a plus d'énergie, plus de matière, plus rien, est-ce que le temps est encore une variable qui fait sens? Grande question, effectivement. Vous avez deux minutes. Oui, c'est ça. Non, parce que je pense que le temps est relatif aux choses que l'on observe. C'est-à-dire qu'évidemment, on observe une particule. Vous voyez, le temps est assez incertain pour la particule. Pour une étoile, on sait très bien que le temps, on sait très bien prédire pour quel sera le destin du Soleil. Pour la matière, on sait prédire son destin parce qu'effectivement, on connaît bien les réactions avec lesquelles elle est intervenante. En revanche, pour l'énergie sombre ou la matière noire, on sait pas du tout dire. Est-ce que c'est, elle est régie par quel genre de temps? Enfin, vous voyez ce que je veux dire, ça pourrait être à ce point-là, parce que effectivement, ce sont des concepts un peu abstraits pour l'instant. François, je peux ajouter un mot. En fait, bien sûr. Des limites fondamentales du temps, c'est ce qu'on appelle le temps de Planck, justement. Lorsqu'on arrive aux limites de la mécanique quantique, on vous explique simplement que vous ne pouvez pas. Le temps de Planck, c'est 10-47 secondes, c'est ça? 43. Voilà, j'allais dire 43. Magique. 10-43 secondes. Non, mais du coup, ce serait une sorte de temps de Planck inversé, c'est-à-dire qu'il y aurait un temps de Planck dans l'infiniment, dans le temps infiniment dilaté. Alors, ce serait plutôt dans le cas du Big Crunch. Non, c'est le contraire, c'est dans le cas où il y a un effondrement. En fait. Pour conclure l'un et l'autre, est-ce que aujourd'hui, compte tenu des moyens technologiques dont nous disposons ou dont nous allons disposer, il est possible d'avoir des indices, il est évidemment pas question de preuves, mais des indices observationnels de l'un ou l'autre de ces devenirs que nous avons évoqués. Jean-Marc Bonnet. Je pense que le gros programme actuel, ça va être les années qui vont venir, c'est d'abord effectivement, et c'est déjà commencé, essayer de comprendre est-ce qu'il y a une énergie sombre et de quelle nature elle est. Là, il y a des grands programmes, le programme Euclide, le satellite Euclide, qui va cartographier les déformations des galaxies pour en tirer l'histoire de la matière noire et de l'énergie noire. Il y a aussi un programme chinois, d'ailleurs, qui s'appelle Croiseur Céleste, qui va être amarré à la station spatiale. Il y a des observatoires au sol. Tout l'effort est actuellement mis pour essayer de circonscrire, de faire une carte de la matière noire avec les moyens dont on dispose, et éventuellement de comprendre le comportement de l'énergie sombre. Est-ce qu'on va y arriver? Est-ce que ce sont des entités qui existe vraiment, ou est-ce qu'on est parti sur les fausses pistes? Ça, évidemment. Là, c'est 2002, hein, pour 2022, pour Euclide, le satellite qui va être lancé pour ça. Il y a d'abord le JWST aussi, le grand télescope James Webb, voilà, qui va explorer l'univers lointain. Ça, c'est des échéances, ça va évoluer énormément dans les années qui viennent. François Hammer? Oui, j'ajouterais aussi qu'il y a il y a plusieurs télescopes au sol qui vont être équipés de fibres optiques qui vont faire énormément d'observations, en particulier en spectroscopie. Il y a l'extrêmement large télescope qui va être mis en place, le LT, et qui lui va commencer à voir vraiment les objets les plus faibles qu'on connaît de l'univers, donc il va montrer un petit peu comment les premiers objets se sont formés et qui vont aussi évidemment énormément apporter sur toutes ces questions. Merci infiniment à tous les deux. Merci Jean-Marc Bonnet-Bideau, merci François Hammer d'être venu évoquer avec nous ces futurs hypothétiques de notre univers à des échelles, à des éons qui auraient fait plaisir à Howard Philip Lovecraft. Merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, Alexandra Delbo, Natacha Triou, Céline Lozen, Noémie Naguette-Saint-Vulfranc, Eve Etienne, Antoine Beauchamp, Gilles Blanchard à la réalisation, Élise Leu à la technique. Demain, nous parlerons d'une réussite française, une de plus, la production d'hydrogène métallique, une grande première en laboratoire à des niveaux de pression extrêmes. On pourrait dire que ce sera du French Heavy Metal demain à 16h jusqu'à preuve du contraire.